Dilemme de médecin par Lily Thomas Mead et Clifford Halifax. Je m'étais intéressé à Féveral depuis son adolescence, suivant complaisamment ses débuts dans la carrière médicale. Son intelligence sortait véritablement de l'ordinaire et, sous tout rapport, il semblait être un garçon supérieur. Étant étudiant, il venait volontiers me demander des conseils, que je lui donnais toujours en toute sincérité. Bientôt, il fut attaché en qualité d'interne à l'hôpital Guy. Sa carrière donnait beaucoup d'espérance. Et lorsque la mort d'un parent lui permit de s'établir dans un bon centre, je lui déclarai que je tenais son avenir pour assuré. Il se maria peu après, et sur sa prière, j'assistai à la noce. À la suite de cet événement, je le perdis un peu de vue, mais ses lettres, qui m'arrivaient une ou deux fois par an, m'assurait qu'il vivait heureux dans le plus large sens de ce mot. Je n'avais pas vu Féveral depuis près de 3 ans, lorsqu'un jour, vers la fin de l'hiver 1893, il sonna chez moi. J'étais sorti. Il attendit, et dès qu'il entendit le bruit de mon passe-partout dans la serrure, se précipita dans l'antichambre. « Bon, » m'écriai-je en le voyant, « comment allez-vous? Qui vous amène à Londres? J'espère que tout va bien. Comment se portent votre femme et votre enfant ?»« Ma femme est en bonne santé, » répondit Féveral. « Nous avons perdu le bébé le mois dernier, de la maladie courante, l'influenza. » Il s'arrêta et me regarda en face. Je l'examinai aussi et jetai presque un cri de surprise. « Nous avons été terriblement frappés par le fléau, » continua-t-il. Je crois qu'il n'a été nulle part aussi violent qu'à Westfield. « Vous ne paraissez pas en bonne santé, » dis-je. « Auriez-vous été atteint vous-même ? » ?»« Oui, et je suis surmené de toutes les façons. Le fait est que je suis venu vous consulter. » Je lui jetai un rapide coup d'œil. La dernière fois que je l'avais vu, c'était un beau garçon, bien campé, musclé et vigoureux. Toute sa personne respirant l'indomptable énergie anglaise. Il semblait maintenant affaissé. Ses épaules étaient légèrement courbées. Son abondante chevelure noire grisonnait un peu. Ses yeux étaient caves et inquiets. Une large ligne noire les cernait et les joues étaient creuses. « Je dois aller bien maintenant, » dit-il en riant. « Auriez-vous la bonté de m'ausculter, Halifax ? Et de me donner les moyens de reprendre mon ancienne mine. Puis-je vous causer? Voulez-vous m'accorder un moment? Tout le temps que vous désirerez, répondis-je cordialement. Vous arrivez bien. Je rentre dîner et pense ne plus voir de malade avant 9 ou 10 heures du soir. J'ai donc plusieurs heures à votre disposition. Mais avant que nous abordions le terrain médical, ne voulez-vous point dîner? Tout en parlant, je fis entrer Féveral dans la salle à manger et après avoir sonné, j'ordonnai à Harris de mettre 2 couverts. Le dîner fut servi presque aussitôt, mais j'observai avec déplaisir que mon convive faisait seulement semblant de manger. Il but cependant plusieurs verres de vin et il fut bientôt visible que son animation augmentait. « Venez fumer dans mon cabinet, » proposai-je quand le repas fut terminé. Il se leva de suite et me suivit. Nous approchâmes nos chaises du feu et, pendant un moment, fumâmes nos pipes en silence. Un simple regard suffisait pour se convaincre que Féveral était complètement abattu. Il m'était impossible de reconnaître le brillant et énergique compagnon, aux joyeuses noces duquel j'avais assisté 3 ans auparavant. J'attendais qu'il commençât ses confidences. Il n'ouvrit pas la bouche jusqu'à ce qu'il eût fini sa première pipe. Alors il sauta sur ses pieds et se planta devant moi. « Je ne puis, dit-il brusquement, essayer de décrire les jours que nous avons vécus, tandis que cette terrible influenza faisait rage par tout le pays. Plus je vois ce mal, insidieux et traître, plus je le crains. Je suis persuadé que l'influenza a causé plus de morts et brisé plus de vies que ne le fit jamais le choléra. Vous connaissez mon confrère Russell? Eh bien, lui et moi avons été complètement terrassés. Je ne puis vous dire quelle tragédie domestique il nous a fallu traverser. Voyons, vous n'êtes point venu simplement pour me les raconter, demandai-je tout à coup. Certainement non. mais vous pouvez tenir cela pour une histoire lugubre. « Pire, si possible, répondis-je. Mais parlons de vous. L'ennemi vous a attaqué, dites-vous ? Oui, par malheur. » C'était après la mort de l'enfant, une jolie petite fille, pleine de santé, âgée de 18 mois. « Peut-être, Halifax, ignorez-vous, ce qu'un premier enfant dans une maison ?»« Ma femme et moi ne vivions que pour elle. » La maladie l'emporta en 2 jours. La pauvre Ingrid en demeura frappée. Elle n'eut pas l'influenza, mais ses forces disparurent. Elle perdit l'appétit et le sommeil. Elle ne sortit de sa torpeur que lors de ma maladie subite. Je suppose qu'on est surpris lorsqu'un médecin est atteint. Certes, j'étais saisi par l'épidémie et fus, en un moment, sérieusement pris. Je me levai et sortis, au bout de peu de temps. Je me croyais guéri, mais... Vous n'avez point agi sagement en sortant si vite, dis-je. Vous n'êtes pas assez remis pour reprendre vos occupations. Suis-je aussi mal que cela ? S'aperçoit-on à ce point de ma mauvaise mine ? N'importe quel médecin se rendrait compte que vous n'êtes pas dans votre assiette, répondis-je. Vous êtes affaibli, vos nerfs sont brisés, il vous faut du repos. Rentrez chez vous, cette nuit, ou mieux encore, attendez à demain, et prenez le premier train pour Westfield. Voyez Russell et dites-lui franchement que vous en avez pour un mois avant de vous remettre au travail. Je puis, si vous le voulez, lui envoyer un remplaçant. Rentrez sans délai, mon cher ami, emmenez votre femme et voyagez. Le changement d'air lui fera autant de bien qu'à vous. Allez quelque part sur le continent. Prenez un repos complet, dans un milieu paisible, et vous serez un homme nouveau quand vous reviendrez. Dieu sait si j'en ai besoin, dit Féveral. En ce moment, je ne me reconnais pas moi-même. À cet instant, il hésita, s'arrêta et me regarda. Le fait est, dit-il soudain, que je ne vous ai point encore dit la véritable raison de ma visite. « Eh bien, dites-la vite, mon vieux camarade, » fis-je d'un ton encourageant. Il essaya de me regarder en face, mais ses yeux se baissèrent aussitôt. « Voici le fait, » dit-il brusquement, et en parlant, il se leva. « Mon influenza a laissé une trace étrange. J'ai en moi une angoisse inexprimable et ne puis d'aucune façon m'en débarrasser. Asseyez-vous et soyez calme, » dis-je. « Racontez-moi vos craintes aussi clairement que possible. » À ma prière, Féveral s'assit. Après une pause, il commença à parler. « Vous savez, dit-il, combien pénible est d'ordinaire la carrière de médecin. Je pensais donc avoir fait une excellente affaire en achetant une part de la clientèle de Russell. Néanmoins, je m'aperçus qu'elle était moins importante que je ne l'avais supposé. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'augmenter. J'étais devenu populaire et de nouveaux malades venaient chaque jour me consulter. En un mot, je suis en bonne voie et si je puis recouvrer la santé, j'assurerai certainement l'avenir de ma femme. « Et pourquoi ne guéririez-vous pas ? » demandai-je. « Là est précisément la question, » répliqua-t-il. « En ce moment, des forces utiles à ma carrière, ma santé est partie, mes nerfs sont affaiblis. »« Soyez plus clair, » fis-je. « Qu'est-il arrivé ? » Je crains d'avoir commis une terrible erreur professionnelle et d'avoir ainsi ruiné mon avenir de médecin. Que voulez-vous dire ? Je vais essayer de m'expliquer. Depuis que j'ai eu l'influenza, je suis sujet à de courts mais étranges manques de mémoire. Vous savez que nous délivrons nous-mêmes nos remèdes. Eh bien, voici ce qui m'arrive presque journellement. Je vois un malade, prononce un diagnostic avec ma prudence habituelle. Puis je vais au dispensaire préparer l'ordonnance. Je prends un flacon contenant, parfois, un poison violent. Et je m'aperçois que le cas m'est sorti de la mémoire. Je ne sais plus du tout pourquoi je tiens cette bouteille ni pourquoi je me trouve au dispensaire. Mon malade et son cas, le diagnostic que j'en ai fait, le remède que je dois préparer, tout cela est pour moi lettre morte. Au bout de quelques minutes, la mémoire me revient. Mais cet état de choses se reproduit de plus en plus fréquemment. Et le souci qu'il me donne m'a rendu complètement nerveux et impropre au travail. Vous voyez vous-même, Halifax, les graves conséquences que peut avoir cet état d'esprit où je suis. Je puis, dans un moment d'absence, introduire dans la potion quelque chose qui tuera mon malade. Sur ce point, ma crainte, parfois, atteint presque la manie. J'en perds presque la tête. Votre mémoire vous quitte-t-elle en d'autres moments ? Demandai-je. Oui, mais le curieux est qu'elle ne me manque qu'en ce qui concerne ma profession. Quand je suis seul avec ma femme, je me sens relativement à l'aise et presque comme à mon ordinaire. Mais lorsque je vais voir mes malades, j'oublie totalement les visites les plus importantes. Je néglige ceux dont la vie est en danger pour soigner ceux qui n'ont que de légères indispositions. Dernièrement, je donnais à mon cocher une liste de toutes les personnes que je voulais voir. Il me conduisit partout. Mais quand j'étais devant le malade, j'oubliais la maladie dont il souffrait. Hier encore, je mis en rage un homme atteint d'une double pneumonie aiguë, en lui demandant si ses douleurs rhumatismales allaient mieux. Naturellement, cet état de choses ne peut durer. Ne me dites pas que mes craintes sont imaginaires. J'ai étudié les maladies du cerveau et n'ignore pas que mon cas est des plus sérieux. Il est sérieux, mais passager, répondis-je. Vous avez été atteint d'une maladie qui laisse les suites les plus extraordinaires. Une maladie qu'aucun de nous, en dépit de toutes nos études, ne connaît bien. Vous êtes fatigué de corps et d'esprit. Vous avez besoin de repos. N'essayez point, maintenant, de continuer vos occupations. Je ne puis vous cacher la vérité. Si vous le faisiez, les conséquences pourraient être graves. Il vous faut partir tout de suite, Févral. Je vous le disais tantôt. Il m'est aisé de vous avoir un remplaçant sérieux pour un mois ou deux, si cela est nécessaire. J'écrirai cette nuit à Russell à ce sujet, si vous le voulez. Il comprendra certainement la nécessité de votre départ. Févral demanda un instant sans répondre. Après un silence, il dit « Je souffre d'autres symptômes d'un caractère inquiétant. Je suis poursuivi par l'idée habituelle au dément qu'on me suit. Je viens ici cette nuit et en dépit de mes efforts pour m'assurer du contraire, je n'ai pu chasser le soupçon que quelqu'un m'a filé de la gare à cette maison. La seule chose qui me rassure est que nous n'avons point eu de fou dans la famille. Je me raccroche à cette pensée comme à un mât, un homme qui se noie. « Vous n'êtes point fou, répondis-je, mais vous le deviendrez si vous ne prenez du repos. Les symptômes qui maintenant vous inquiètent le plus disparaîtront si vous suivez mon conseil. Il vaut mieux ne pas retourner dans le comté de Stafford. Ma maison vous est ouverte. Faites-en votre quartier général jusqu'à ce que vous vous soyez entendu avec Russell. En même temps, télégraphiez à votre femme de vous rejoindre ici. Soyez sur le continent avant la fin de la semaine. Je vous promets que bien avant la fin de l'été, vous reviendrez à vos travaux comme un géant reposé. » Févral poussa un profond soupir. Au bout d'un moment, il quitta sa chaise et s'appuya contre la cheminée. « Je crois qu'il n'y a rien d'autre à faire que de suivre vos conseils. Vous ne vous en repentirez pas, répondis-je. Dois-je écrire à Russell cette nuit ? Il vaut mieux attendre à demain, répliqua-t-il. Je vais dormir sur notre entretien et vous ferai connaître ma décision finale. Bien. Maintenant, je vous laisse, dis-je. J'ai promis d'aller voir ce soir un ou deux malades. Nous nous reverrons à déjeuner. Le lendemain matin, je me levai de bonne heure et entrai dans la salle à manger avant 8 heures. Je remarquai qu'un seul couvert était disposé. « Pourquoi ceci, Harris ? » demandai-je à mon domestique. « Avez-vous oublié que le docteur Févral est à la maison ?»« Le docteur est parti ce matin, monsieur, » répondit Harris. Il descendit de très bonne heure et me pria de vous dire que vous trouveriez une lettre de lui dans votre cabinet. Je lui demandai s'il désirait déjeuner, mais il me dit qu'il n'avait besoin de rien. Il a quitté la maison avant 6h30, monsieur. Un peu inquiet, je me précipitai dans mon cabinet. Le billet de Févral était sur la cheminée. Je le dépliai vivement. Il contenait ceci. « Mon cher Halifax, j'ai le regret de vous dire que je ne puis rester chez vous une heure de plus. Je vous parlais, cette nuit, de cette impression, que je croyais une illusion, ressentie d'un être me suivant partout où j'allais. Je me rends compte, à présent, que ce n'est point une illusion, mais une effrayante réalité. Même chez vous, je ne suis pas en sûreté. La nuit dernière, deux hommes sont entrés dans ma chambre. Ils me surveillèrent de derrière les rideaux et ne partirent qu'à l'aube. Je me suis levé aussitôt et vais quitter Londres sans délai. Ma terreur est déjà d'avoir commis dans mon dispensaire quelque épouvantable erreur, et peut-être, durant mes étranges pertes de mémoire, d'avoir donné quelques potions qui auraient privé quelqu'un de la vie. Si cela est, je me suis indiscutablement mis sous le coup de la loi. Les gens qui vinrent dans cette chambre étaient des policiers. Vous comprendrez que je ne puis rester plus longtemps à Londres, votre Arthur Féveral. » Aussitôt lu cette extraordinaire lettre, je pris mon chapeau et quittai la maison. J'allai au plus prochain télégraphe et envoyai le message suivant à Mrs. Féveral. « Votre mari m'est venu trouver hier soir. Il n'était pas bien et m'a quitté brusquement ce matin sans laisser d'adresse. Si vous ignorez où il est allé, venez me voir tout de suite. » À mon étonnement, aucune réponse à ce télégramme ne me parvint durant plusieurs heures. Dans la soirée, je trouvai une enveloppe jaune posée sur la table dans mon vestibule. C'était la réponse de Mrs. Féveral ainsi conçue. « Merci pour votre télégramme. Aucune inquiétude à avoir, Arthur est revenu ce matin avec une bonne et joyeuse mine. En ce moment, il est occupé au dispensaire. Je ne lui ai pas montré votre télégramme. Ingrid Féveral. » Il n'en est pas moins vrai que tout cela peut tourner mal, ne puis-je m'empêcher de me dire. L'événement qui suivit cette étrange histoire de mon ami me surprit à peine. 48 heures après ce soudain départ, Mrs. Féveral demanda à me voir. J'allais justement sortir quand elle descendit de voiture devant ma porte. Je ne l'avais pas vue depuis son mariage. Maintenant, elle était en grand deuil. C'était une fort jolie femme, mais avec une remarquable fraîcheur de teint, qui se voit rarement chez les Anglaises. Je me rappelais alors que Féveral avait épousé une jeune fille d'origine norvégienne. Ce fait expliquait la blancheur de sa peau, ses yeux bleus et lumineux et ses cheveux blonds. Elle sauta légèrement de voiture et, m'apercevant, courut à ma rencontre. « Dieu merci, vous n'êtes pas sorti, » s'écria-t-elle. « Je suis en grande inquiétude. Puis-je vous parler tout de suite ?»« Certainement, » répondis-je en la guidant vers mon cabinet. « Comment va votre mari, Mrs. Féveral ? J'espère que vous ne m'apportez pas de mauvaises nouvelles de lui. »« Si, » répondit-elle, pressant soudain sa main sur son cœur. « Je ne veux pas me laisser abattre, » continua-t-elle avec un regard ferme qui me donna une idée de sa force de caractère. « Je veux le sauver, s'il le peut être. Personne mieux que vous ne peut m'aider. Le ferez-vous ? Vous avez toujours été un grand ami de mon mari. Il tient plus compte de votre opinion que d'aucune autre. Montrerez-vous votre amitié dans cette conjoncture ?»« Avez-vous besoin de le demander ? » répondis-je. « Voici une chaise. Asseyez-vous et racontez-moi tout. » Elle fit ce que je lui disais. En commençant son récit, elle joignit les mains. Je vis par son attitude qu'elle faisait un violent effort pour se ressaisir. « Il y a quelques jours, commença-t-elle, j'engageais mon mari à vous aller trouver. Il m'avait parlé des symptômes qu'il ressentait, et je le priais de vous exposer son cas. J'espérais beaucoup de vos conseils. Naturellement, votre télégramme d'il y a 2 jours m'effraya beaucoup. Mais presque pendant que je le lisais, j'en reçus un autre de mon mari, me demandant de l'attendre au premier train. Il me disait qu'il allait mieux. Il arriva, paraissant gai et bien portant, et me dit que les graves symptômes l'avaient tout à coup quitté. Plusieurs malades attendaient pour le consulter. Il alla de suite au dispensaire. Je me sentais complètement tranquille sur son compte et vous le télégraphiais. Dans la soirée, il fut étonnamment gai et me déclara qu'il ne jugeait pas nécessaire la dépense d'un voyage. Il dormit bien la nuit et m'assura le matin qu'il se sentait tout à fait bien. Il sortit de bonne heure, visitait quelques malades et rentra à la maison pour déjeuner. Ensuite, selon sa coutume, il s'occupa quelques heures au dispensaire. J'avais été très affligé et très abattu depuis la mort de mon enfant. Mais ce matin, je me sentais presque joyeuse. C'était si agréable de voir Arthur remis dans son état naturel. Je montai dans ma chambre. C'était un peu plus de midi, quand quelqu'un ouvrit la porte en grande agitation. Je levai les yeux et vis Arthur. Il entrait en chancelant, les cheveux en désordre, rejetés en arrière. Il alla à la cheminée et s'appuya contre elle. « Qu'arriva-t-il ? demandai-je. Avant de parler, il porta les mains à sa gorge, comme s'il suffoquait. « Je viens de commettre un meurtre, » dit-il. Puis il regarda droit derrière moi, comme s'il ne me voyait pas. « Quelle folie ! » répondis-je. « Savez-vous bien ce que vous dites ? C'est la vérité. J'ai tué un homme, » répéta-t-il. « Je suis perdu, c'en est fait de moi-même. Je n'ai plus une goutte de sang dans les veines. « Asseyez-vous, mon ami, et racontez-moi tout, » lui dis-je. J'allais à lui, mais il me repoussa. « Ne me touchez pas. Mes mains sont tachées de sang. Je ne dois plus vous approcher. « Au moins, dites-moi ce qui est arrivé, » implorai-je. Au bout d'un moment, il se calma, et je peux le faire parler plus raisonnablement. Un jeune homme, un étranger, vint me consulter ce matin. Je m'assurai avec soin de sa maladie et allai lui préparer quelques remèdes. J'entrai comme de coutume dans le dispensaire. Je me sentais bien, et mon intelligence me semblait entièrement nette. Je me rappelle distinctement avoir mis de l'ammoniaque et un autre sel dans un verre, puis tout devint trouble. Je me retrouvais, une bouteille d'une main et un verre de l'autre, qui contenait un remède. Je fis quelque chose avec la bouteille, mais ne puis me rappeler quoi. Au bout d'un autre moment, durant lequel tout se confondit de nouveau, je revins à moi. J'étais en train de donner à mon malade un flacon enveloppé et cacheté suivant la coutume. « Tandis que nous y sommes, disais-je, ne voudriez-vous point en prendre une dose à présent ? J'irai vous chercher un verre. Dès la première cuillerée de cette potion, votre maladie disparaîtra. » Celui auquel je parlais était un beau jeune homme de 23 ou 24 ans. Il hésita quand je lui proposais de prendre une partie de la potion. Après réflexion, il déclara qu'il préférait ne prendre la médecine qu'une fois rentré à l'hôtel. Je lui serrai la main. Il me régla mes honoraires et quitta la maison. Un instant après, je rentrai dans le dispensaire. Là, je fis cette terrible découverte. En un moment d'oubli, j'avais mis dans la potion de la strychnine au lieu de valériane. La quantité de strychnine que j'avais employée aurait tué n'importe qui. Je me précipitai comme un fou hors de la maison, espérant rattraper à temps mon malade. En vain, je le cherchais de tous côtés. Je ne pus l'apercevoir. Une seule cuillerée de la potion devait le tuer. Il mourrait, dans des convulsions, aussitôt après l'avoir prise. En tout cas, il est certainement mort à présent. Insensé que je suis d'être revenu à Staffordshire. J'essayais de consoler mon mari, docteur Halifax, mais je ne tardais pas à m'apercevoir que mes paroles ne lui faisaient aucun effet. Je vis qu'il ne m'écoutait même pas. Tandis que je parlais, il traversa la pièce, alla à l'une des fenêtres, l'ouvrit et se pencha demi au dehors. Il commença à regarder, à droite et à gauche, dans le vain espoir de distinguer dans la foule son infortuné malade. « Je ne le reverrai pas. « C'est un homme mort, » répétait-il. « Il est mort. Son sang retombera sur ma tête. Nous sommes perdus. »« Il faut essayer de le retrouver de suite, » dis-je. « Folie, nous ne le retrouverons pas, » répondit Arthur. En disant ces mots, il quitta la chambre. Je réfléchis un moment, puis j'allai consulter le docteur Russell. L'associé de mon mari, vous le savez, est un vieillard. Il fut terriblement frappé quand je lui appris ce qui était arrivé et s'écria qu'il fallait faire d'immédiates recherches pour trouver le pauvre garçon auquel mon mari avait donné le dangereux remède. Il alla lui-même s'enquérir dans les différents hôtels de la ville. Pendant ce temps, je cherchais Arthur. Il n'était pas à la maison. Je m'informais si les domestiques l'avaient vu. Personne ne savait rien. Il était parti dans sa voiture. Au même instant, le docteur Russell revint me dire qu'il n'avait pu découvrir la trace de l'étranger. Presque en même temps, on m'apporta un télégramme. Je l'ouvris. Il était d'Arthur. « N'essayez point de me suivre, » disait-il. « Il vaut mieux que nous ne nous revoyions plus. Si je puis, je pourvoirai à vos besoins, mais nous ne devons jamais plus nous rencontrer. » Il n'y avait point de signature. « Voilà l'histoire entière, » dit Mrs. Féveral en se levant. Au reçu du télégramme de mon mari, j'allai chez son banquier et appris avec étonnement qu'il avait retiré presque tout l'argent que nous possédions. Il avait emporté 1000 livres en or et en billets. Ceci semble prouver qu'il n'a pas l'intention de se suicider. Mais où est-il allé? Pourquoi a-t-il emporté tant d'argent? Qu'avait-il voulu dire en écrivant qu'il assurerait mon existence? Je sais qu'il n'est pas responsable de ses actes. Parti seul, il n'est point en sûreté. J'y ai réfléchi, dans la soirée d'hier et durant de longues heures de la nuit, et je décidai de venir vous trouver ce matin. Il faut que je retrouve mon mari, docteur Halifax, et j'ai besoin de savoir si vous pouvez m'aider à le chercher. « Je le veux, certainement, » répondis-je. « Ce que vous venez de me raconter est désastreux. J'ai averti l'autre jour Féveral qu'il n'était pas actuellement en état d'exercer la médecine. Il eut tort de ne pas tenir compte de mon avis. Certes, je ne veux pas blâmer ce pauvre garçon, car il n'est pas responsable de ses actes. Il nous reste deux devoirs à remplir, Mrs. Féveral. « Deux ? » interrogea-t-elle avidement. « Il faut d'abord rechercher si votre mari a vraiment causé la mort de cet homme. » Après tout, peut-être s'est-il simplement imaginé qu'il avait mis de la strychnine dans la potion. « Non, non, » interrompit-elle, « nous ne pourrons de cette manière sortir de cette terrible inquiétude. Mon mari, pour préserver sa position, se servit de deux verres. Nous les avons retrouvés dans le laboratoire, non nettoyés. En examinant l'un d'eux, le docteur Russell a découvert des gouttes de strychnine adhérant aux parois. « Alors tout espoir est perdu, » répondis-je. « Eh bien, tentons quelque chose pour empêcher la victime de votre mari de prendre le remède. Notre premier devoir est donc de retrouver immédiatement ce jeune homme. Notre second, de suivre Févral. Voulez-vous rester un peu ici pendant que je réfléchisse à cette étrange affaire ? Je sortis de la chambre et ordonnai à Harris d'apporter à la pauvre jeune femme quelques rafraîchissements. Puis j'allai méditer dans mon cabinet. J'étais occupé, il est vrai. Mais je résolus de tout abandonner pour me consacrer à l'affaire de mon malheureux ami. Je connaissais Févral depuis son enfance. Je n'allais pas l'abandonner à cette heure. Je rentrai et annonçai à Mrs. Févral que j'avais pris les arrangements nécessaires pour me mettre entièrement à sa disposition. « C'est ce que j'attendais de vous, » répondit-elle. « Je ne vous dis point merci. Vous savez que je le pense. »« Je sais que vous êtes brave, et vous m'aiderez au lieu de me gêner, » repartis-je. « Accepterez-vous mon hospitalité pour cette nuit, Mrs. Févral ? Mes domestiques pourront, je le pense, vous installer confortablement. Je compte aller dans le Staffordshire par le prochain train. Pourquoi cela ? Pour rechercher le malade de votre mari. Il me faut son nom et tous les indices possibles. J'espère être de retour avec des nouvelles demain, de bon matin. Pendant ce temps, vous vous préparez à m'accompagner dès que j'aurai découvert les traces de Févral. Je ferai exactement ce que vous désirez, répondit-elle. Je vis ses lèvres trembler en partant. Mais à mon grand soulagement, je vis aussi qu'elle ne voulait point se laisser abattre. Quelques instants plus tard, j'étais dans un fiacre, m'emportant aussi vite que possible vers la gare de Paddington. Je pris le premier train pour le Staffordshire et arrivai à Westfield, la petite ville où Févral avait sa clientèle, à 9 heures du soir. J'allai tout droit chez le docteur Russell. Il était chez lui et on m'introduisit immédiatement. Le vieux docteur me connaissait un peu. En m'apercevant, il vint vivement à moi. « Je présume, dit-il, que vous êtes venu pour cette malheureuse histoire du pauvre Févral. Sa femme m'a dit qu'elle partait vous consulter. Naturellement, je suis heureux de vous voir. Mais je ne vois pas trop ce que vous pouvez faire. Je compte retrouver l'homme, s'il est encore en vie, répondis-je. Tout cela ne donne-t-il pas l'idée d'un suicide ? Demanda Russell. Mais asseyez-vous donc, nous en causerons. J'enlevai mon pardessus et m'assis sur la chaise que me désignait Russell. Je ne crois pas à l'idée de suicide, commençai-je. Si Févral y avait songé, il n'aurait pas retiré 1000 livres de la banque. Indubitablement, il est, pour le moment, devenu maniaque. Mais point dans cette direction. J'ai besoin de retrouver si possible ses traces. Et ce qui est encore plus important, de m'assurer si la strychnine qu'il a dans un instant d'égarement, mélangée à la potion d'un malade, a réellement produit un résultat fatal. « Je ne puis vous le dire, » répondit Russell. Le jeune homme qui vint hier matin consulter Févral semblait être étranger à Westfield. Aussitôt après que Mrs. Févral lui quittait la ville, je réussis à trouver sa place dans un hôtel de commerçants, nommé Perry, en un quartier éloigné. Il doit être rentré à l'hôtel aussitôt après avoir quitté le cabinet de consultation de mon associé. Le garçon me dit qu'il paraissait souffrant en rentrant. Il remarqua qu'il tenait à la main une fiole de médicaments enveloppée de papier. Quand le garçon la vit, la bouteille ne semblait pas avoir été débouchée. Le voyageur demanda sa note, paya et quitta l'hôtel 10 minutes après. Hier était jour de marché à Westfield. Il y avait en ville beaucoup d'étrangers. Évidemment, ce jeune homme n'éveilla aucune attention particulière. Le garçon ne savait même pas son nom. Il arriva de bonne heure le matin, demanda une chambre, fit sa toilette, commanda un déjeuner auquel il toucha à peine, sortit probablement pour consulter mon associé, revint, paya sa note et s'en alla. Où est-il maintenant ? Le ciel le sait. Il faut, dis-je, mettre immédiatement l'affaire entre les mains d'un détective. Avez-vous, dans votre ville, un homme habile, ou dois-je retourner à Scotland Yard ? Il y a, je crois, un détective privé dans Short Street, répondit Russell. Mais puis-je vous demander quel but vous poursuivez en vous intéressant à cet homme ? Si la potion l'a tué, nous la prendrons bien assez tôt. Il y a précisément 1 chance sur 100 pour qu'il n'ait pas pris la médecine, répondis-je, et sur cette chance, nous agirons promptement. Je ne puis vous comprendre, répliqua le vieillard avec impatience. Si ce jeune homme n'a pas pris le remède, pourquoi s'en occuper ? Si l'affaire s'ébruite, ce sera sous tout rapport fort ennuyeux pour nous. Il est bien assez difficile, Dieu le sait, en ces temps de concurrence acharnée, de conserver sa clientèle. Et si on vient à savoir que nous avons eu dans la maison un médecin atteint de folie, qui administra du poison en place de remède, nous perdons tous nos clients dans l'espace d'un mois. Ne saisissez-vous pas mon but ? Répondis-je. C'est pour vous empêcher d'avoir un médecin fou dans votre maison que j'insiste pour éclaircir l'affaire. Si, par un hasard heureux, le jeune homme qui vint à votre dispensaire est encore en vie ce matin, Févral, selon toute probabilité, guérira de la manie qui menace de faire sombrer sa raison. D'après le remède ordonné, le malade souffrait seulement de malaise. Il refusa de prendre la médecine dans le cabinet de consultation de Févral. Il est évident qu'il a quitté l'hôtel sans avoir débouché la bouteille. Il n'est donc pas déraisonnable d'en inférer qu'il se sentait mieux. Allant mieux, il est aussi probable, quoique je sache que c'est à peine vraisemblable, qu'il n'a nullement touché à la potion. Si tel est le cas, et que nous en ayons la preuve, la raison de Févral pourra être sauvée. Je doute que le pauvre garçon soit encore du monde des vivants, interrompit le docteur Russell. Je suis sûr qu'il est en vie, répliquai-je. Mais, docteur, voilà le fait. S'il a réellement tué le jeune homme, il restera fou jusqu'à la fin de ses jours. Si au contraire la victime supposée saine et sauve, Févral, selon toute vraisemblance, reviendra bientôt à son état normal. Peut-être avez-vous raison, dit le docteur Russell, et s'il en est ainsi, il vaut mieux que nous allions de suite consulter Hudson. C'est un rusé compagnon, et il est probable qu'il nous découvrira rapidement, l'homme auquel fut donnée la strychnine. Mais comment espérez-vous retrouver Févral ? Voyons d'abord Hudson, dis-je. Il faut qu'il se mette à l'œuvre sans perdre un instant. Le docteur Russell se leva, mit son manteau et son chapeau, et nous nous trouvâmes bientôt dans Short Street. Hudson, le détective particulier, se trouvait chez lui. Nous eûmes une entrevue. Je lui exposai le cas aussi brièvement que possible. Il promit de s'en occuper, nous assura que cette recherche était aisée et nous dit que nous saurions sans doute le lendemain si la victime de Févral était morte ou vivante. Comme nous revenions chez Russell, un jeune homme vint à nous et dit, sans préambule, au vieux docteur « Comment allez-vous ? Voulez-vous vous charger d'une commission pour Févral ?»« Févral n'y est point en ce moment, » répondit le docteur Russell. « Quel ennui ! J'ai eu ce matin des nouvelles de mon frère. Il m'a instamment prié de voir Févral ou de lui transmettre ses remerciements. « J'espère que votre frère va bien, North ?» demanda aimablement le docteur Russell. « Merci, aussi bien que possible. » Il pensait que le docteur Févral serait heureux de l'apprendre. Il est en ce moment à Monte Carlo avec un temps magnifique. En un mot, ses nerfs sont complètement rétablis et il se propose de reprendre ses occupations dans une quinzaine. Le docteur Russell répondit encore quelques mots, assura North qu'il transmettrait sa commission à Févral quand il le verrait, et nous continuâmes notre chemin. « Que pensez-vous de Févral en voyant un malade à Monte Carlo ? Demandai-je tout à coup. « Je ne sais rien d'autre que ce qu'a dit North, » répondit le docteur Russell. « Les deux frères North ont eu l'influenza. Le plus jeune a beaucoup souffert. Il subit la même espèce de dépression nerveuse qui semble, à un degré différent, avoir attaqué le pauvre Févral. Je ne savais pas que Févral lui a ordonné de changer d'air. Je suis surpris qu'il l'ait envoyé en un lieu tel que Monte Carlo. « Pourquoi donc ? » demandai-je. « À cause des tables de jeu. Jamais homme n'eut l'horreur du jeu autant que Févral. Son père fut atteint de cette passion autrefois, et étant enfant, il vit les mots effrayants que déchaîne la pratique de ce vice. Qu'il a recommandé à un malade de s'approcher de la tentation, cela m'étonne grandement. » Je réfléchis attentivement pendant une ou deux minutes. « Savez-vous, demandai-je ensuite, à quelle époque les North ont eu l'influenza ? Pourquoi me faites-vous cette question ? J'ai mes raisons pour désirer le savoir, en d'autres termes. Févral donna-t-il ce conseil depuis sa propre maladie ? Cela pourrait me mettre sur sa piste. « Je ne vois pas où vous voulez en venir, » dit le docteur Russell avec impatience. « En fait, le plus jeune North tomba malade aussitôt après la guérison de Févral. Il eut une courte mais violente indisposition, suivie d'une grande prostration. Févral m'en parlait chaque jour. Occasionnellement, je lui dis que son malade devrait voyager. J'ignorais jusqu'à ce soir que mon conseil ait été suivi. « Merci, » répondis-je. « Votre renseignement est d'une grande importance. Maintenant, si je puis obtenir l'adresse de North à Monte Carlo, je pense qu'ici ma tâche sera terminée et je voudrais, si possible, prendre le train de minuit pour Londres. » Que comptez-vous faire ? Je puis à peine vous l'expliquer maintenant, répondis-je. Voulez-vous avoir l'obligeance d'envoyer de suite à North un billet pour lui demander l'adresse de son frère ? Je le ferai, certainement. Nous voici à la maison. Vous pourriez avoir une réponse pendant que nous souperons. Russell tint parole. Il envoya un messager chez North pour lui demander le nom de l'hôtel de son frère, à Monte Carlo. La réponse parvint aussitôt et je rentrai à Londres, l'ayant dans ma poche. Tandis que l'express m'emportait vers la ville, la pensée qui m'avait soudain traversé l'esprit, en entendant que Féveral avait ordonné à North le séjour de Monte Carlo, prenait de la consistance. Le conseil donné au jeune homme était exactement l'inverse de celui qu'eût donné Féveral s'il eût été dans son bon sens. Si, dans un moment de précipitation, il avait ordonné à North d'aller précisément à l'endroit où il serait le plus exposé à la tentation, n'en pouvait-on conclure que lui-même était allé chercher ce soulagement ? Son horreur du jeu, lorsqu'il avait toute sa raison, rendait plus probable ce revirement, dans un moment de folie. En un mot, plus j'y réfléchissais, plus ma conviction grandissait que North était l'homme qui m'aiderait à trouver Féveral. J'arrivai à Londres dans les premières heures de la matinée, allai droit à un bureau de poste, ouvert toute la nuit, et télégraphia l'adresse de North. Je rédigeai mon télégramme de la manière suivante. Le docteur Féveral est souffrant et a disparu de chez lui. Cherche-le à Monte Carlo. S'il arrive, télégraphiez-moi de suite. Cette dépêche envoyée, il n'y avait plus qu'à attendre. Tant que je n'aurais point de réponse, soit de Hudson, soit de North, je ne pouvais avancer. Le soir de ce jour, je reçus un télégramme du détective. Il n'était point satisfaisant et contenait ces simples mots « Pas de nouvelles, j'écrirai ». Le matin suivant, je reçus sa lettre. « Cher monsieur, mes efforts pour découvrir le mystérieux malade du docteur Féveral ont complètement échoué, à part ce fait qu'un jeune homme, semblant répondre à son signalement, a été vu à la gare par un commissionnaire entrant dans un wagon de troisième classe pour Londres. Je n'ai aucune nouvelle à vous donner. Je continuerai mes recherches et vous ferai part du résultat. À vous, respectueusement, James Hudson. » J'avais à peine lu cette lettre que Mrs. Féveral, qui s'était installée dans un hôtel voisin, vint me voir. Je lui montrai la lettre. Elle la lut avec impatience. « Ne peut-on rien faire ? » s'écria-t-elle. « N'avez-vous aucun plan à me soumettre, docteur Halifax ?»« J'ai l'ombre d'un espoir, » répondis-je. « Mais cet espoir est si léger que je n'ose vous le communiquer. »« Oh ! » s'exclama-t-elle. « Ne me privez pas de la plus légère ombre d'espoir. Ne voyez-vous pas mon chagrin et mes craintes ?» À ce moment, Harry s'entra dans la pièce, portant un télégramme sur un plateau. « Attendez un instant que je vois ceci, » dis-je à Mrs. Féveral. J'ouvris l'enveloppe et vis, avec un saut au cœur, que mes conjectures, touchant Féveral, étaient fondées. « Il n'y a pas de réponse, Harris, » dis-je au valet de chambre. Il se retira. Je jetai un nouveau coup d'œil sur la dépêche, puis la mis dans les mains de Mrs. Féveral. « Ceci, lui dis-je, vous expliquera tout. » Elle me l'arracha presque, dévorant les mains des yeux. Il y avait ceci. Féveral, arrivé ici la nuit dernière, il est à l'hôtel des Anglais, ne semble pas me reconnaître. Va aux tables de jeu après dîner, perd beaucoup. « Louis soit le ciel, il est retrouvé !» s'écria Mrs. Féveral. Des larmes s'échappèrent de ses yeux. Elle laissa tomber, sur le parquet, la dépêche. « Il est sauf, il est en vie, » soupira-t-elle, avec un bruit rauque dans la gorge. « Comment ? Comment, docteur, avez-vous deviné qu'il pouvait être à Monte Carlo ?» Je lui répétai en peu de mots les raisons pour lesquelles j'avais télégraphié à North. Ses larmes cessèrent de couler, tandis qu'elle m'écoutait. Sa belle figure prit une expression de résolution et de courage. « Et maintenant, que comptez-vous faire ? » demanda-t-elle, dès que je me tus. « Le rejoindre de suite, » répondis-je. « J'irai avec vous, si je puis. Vous le pouvez certainement. » Il est encore temps de prendre le train-bateau de 11 heures à Victoria. Nous serons à Paris ce soir et si nous avons de la chance, nous pourrons atteindre l'express de la Méditerranée. Pouvez-vous faire votre valise et quitter la maison dans un quart d'heure ? Je le peux et je le veux, répondit-elle. Elle me quitta aussitôt. Je donnai rapidement mes ordres domestiques, vis le docteur qui se chargerait de mes clients pendant mon absence et j'étais prêt quand Mrs. Féveral revint. Nous nous fîmes conduire à Victoria, prîmes le train à la dernière minute, et nous trouvâmes roulant vers Douvres. Nous arrivâmes à Paris sans incident, et eûmes la chance de pouvoir prendre à la gare de Lyon l'express de la Méditerranée. Je télégraphiai à North pour l'avertir de notre arrivée, le prier de venir nous attendre à la gare, de surveiller Féveral et de ne pas lui dire que sa femme et moi espérions l'atteindre le lendemain à Monte-Carlo. Mrs. Féveral et moi arrivâmes à Marseille le lendemain matin à 11 heures. Nous descendîmes de wagon pour déjeuner. Pendant ce temps, je dis tout à coup « Il faudrait arrêter notre plan maintenant. » Elle parut un peu surprise. « Y a-t-il quelque chose de particulier ? » commença-t-elle. « Il faut que vous me promettiez une chose, » dis-je. « Oh, certainement, quelle qu'elle soit, » fit-elle avec un profond soupir. « Il faut que vous vous laissiez guider par moi, et que vous m'obéissiez expressément. » « Certes, mais il n'y a pour moi qu'une chose à faire. « Vous pensez qu'il faut aller droit à votre mari ? » dis-je. « Oui, c'est dans ce dessein que je vais à Monte-Carlo. » Il semble difficile de répondre non à un pareil désir, fis-je. Cependant, je souhaite que vous ne voyiez pas Féveral à votre arrivée. Tout l'avenir dépend de la prudence avec laquelle nous agirons durant cette crise. Je suis persuadé que la folie de votre mari n'est que passagère. Mais un mouvement irréfléchi confirmerait son illusion et le rendrait fou pour le reste de sa vie. Il a quitté son toit sous l'impression qu'il avait tué un de ses semblables. Il y a peu de doute que ce ne soit le cas, répliqua Mrs. Féveral. Je ne suis nullement sûr de ce point. Je demandai au détective Hudson de me télégraphier à l'hôtel Métropole à Monte-Carlo. Je puis trouver des nouvelles à mon arrivée. Tout dépend de la nature de ces nouvelles. Quand nous arriverons à destination, aujourd'hui, permettez-moi d'aller droit à l'hôtel et vous y resterez tranquillement jusqu'à ce que le moment vienne de faire connaître votre présence à votre mari. Il m'est bien dur de vous obéir. Je le ferai pourtant, répondit la pauvre femme avec un profond soupir. Bientôt après, nous prîmes place dans le train et entre 3 et 4 heures de l'après-midi, nous arrivâmes à Monte-Carlo. Le jeune North nous attendait sur le quai. Il s'inclina quand je me présentai à lui. D'un geste, je l'avertis de ne rien dire devant Mrs. Féveral. Elle était complètement brisée par le voyage et ne fit heureusement pas attention au geste expressif par lequel il me donna à comprendre qu'il avait de mauvaises nouvelles. Je la conduisis à un grand hôtel non loin du casino, m'assurai qu'on l'installait dans une chambre confortable et promis de revenir la voir au bout de quelques heures. Ensuite, je sortis avec North. Il m'accompagna à mon hôtel. « Je suis content que vous arriviez, » dit le jeune homme. « J'ai passé de mauvais instants. » Depuis la venue de Féveral, il est aussi fou qu'un homme peut l'être. Tout son temps se passe à jouer. Il ne mange rien et boit beaucoup. Et où il ne me reconnaît pas, où il ne le veut point. Il perd de l'argent d'une manière effrayante. Mais sa manière de jouer semble être absolument indifférente du gain comme de la perte. « Et où est-il descendu ? » demandai-je. « À l'hôtel des Anglais. Ses appartements sont au premier étage. Évidemment, il ne se refuse rien. » Je savais que Féveral n'était pas riche. En craint peu de ce gaspillage, et lui et sa femme seraient réduits à mendier. Le pauvre garçon n'est actuellement pas responsable de ses actes, dis-je. Non, il est aussi fou qu'un lièvre de Mars, fit North avec vivacité. Mais j'espère que sa folie cessera, répliquai-je. Il souffre en ce moment d'un double choc. La mort de son enfant, immédiatement suivie d'une attaque d'influenza, produisit sur ses nerfs un premier mauvais effet. Le second coup fut pire que le premier, car sans celui-là, il ne serait pas en train de perdre de l'argent aussi vite qu'un homme le peut. « Que voulez-vous dire ?» demanda North. Je lui racontai alors ce qui s'était passé à Westfield quelques jours avant. « Le malheur est que nous ne pouvons retrouver le malade, auquel Féveral donnait la strychnine, dis-je. J'ai mis sur sa piste le meilleur détective de Westfield, mais il n'en a point de nouvelles. » J'avais espéré trouver, à mon arrivée, un télégramme de Hudson, le détective. J'avais demandé qu'il me fût adressé à cet hôtel, mais il n'en est point encore venu. « Hudson est très habile, » dit North. « Si quelqu'un peut aider à percer ce mystère, c'est lui. Je suis content que vous ayez placé l'affaire entre ses mains. Mon père, qu'on dit être le meilleur avocat de Westfield, emploie souvent Hudson et en pense beaucoup de bien. En tout cas, fis-je, il n'y a pour le moment rien d'autre à faire qu'à attendre. Le moindre faux pas, confirmerait Féveral dans sa folie. Ne lui ferez-vous pas savoir que sa femme est arrivée ? Interrompit North. Pas maintenant. Il faut se laisser guider par les circonstances. Ce sera votre affaire et la mienne, North, de ne pas le perdre de vue. Si par hasard il quitte Monte Carlo, il faudra le suivre immédiatement. Peu après, North me quitta, et j'allai retrouver Mrs. Féveral. La pauvre femme était épuisée au vrai sens du mot. Je la suppliai de prendre quelque repos, l'assurant que je l'enverrais chercher si sa présence devenait utile, et je partis. Dans l'après-midi du même jour, je me promenais autour du casino dans les jardins quand je vis tout à coup Féveral venant à ma rencontre. Le temps ressemblait à celui que nous avons enjoué en Angleterre. Le bleu tendre du ciel tranchait sur le bleu sombre de la Méditerranée. J'étais debout près d'un massif de réséda quand Féveral passa. Il était vêtu avec soin et semblait encore ce qu'il était, un beau garçon bien campé. Évidemment, il allait au casino. Il passa, à moins d'une longueur de bras, me regarda en face, sans paraître me reconnaître, et allait s'éloigner quand je ne pus m'empêcher de lui parler. « Comment allez-vous » dis-je. Il s'arrêta en entendant ceci et me regarda fixement. Un curieux changement se fit dans sa physionomie. Ses yeux, qui ne décelaient aucun trouble, quand il me vit d'abord, prirent une expression presque rusée. « Je ne sais pas bien qui vous êtes, » fit-il. « Voulez-vous avoir l'obligeance de suivre avec moi cette allée ?» En parlant, il désignait une sombre allée d'eucalyptus. J'accédai aussitôt à son désir. Nous fîmes quelques pas, et brusquement il se tourna vers moi, me dévisageant. « Vous êtes un agent de la police de Londres, » dit-il. « Je vous connais parfaitement et je sais pourquoi vous êtes venu. La chose est parfaitement juste et je n'ai pas un mot à dire. Loin de moi l'intention de tromper la justice. J'ai commis un meurtre, je suis souillé de sang. La loi doit naturellement suivre son cours. Tout ce que je vous demande est de me donner du temps. Avant d'être arrêté, je veux gagner l'argent nécessaire pour mettre ma femme à l'abri du besoin. Je suis venu à Monte Carlo dans ce dessein. Jusqu'ici, j'ai eu une déveine extraordinaire, mais j'ai le pressentiment que la chance va tourner. Je gagnerai beaucoup, soit cet après-midi, soit ce soir. Cette nuit, après la fermeture des salles de jeu, inspecteur, je serai à votre disposition. Inspecteur, il s'arrêta, mais je ne donnai aucun nom. Je vous attendrai ce soir, près des tables de jeu, dis-je tout à coup. Comme il vous plaira, répliqua-t-il. Mais ne venez qu'à la fin. Je suis certain de gagner beaucoup. Vous comprenez combien il est important pour un homme dans ma position d'assurer l'avenir de sa femme. J'approuvai de la tête et il me quitta. M'asseyant sur un banc, je le regardai s'éloigner. Il monta lentement l'escalier du casino et disparut. Le magnifique paysage qui m'entourait, car peut-être n'est-il pas au monde de plus beau point de vue que celui de Monte Carlo, ce magnifique paysage ne me réjouit pas longtemps. J'augurais mal de Féveral. Sa maladie avait progressé, bien plus que je ne l'avais prévu. Si réellement il avait tué son homme, toute espérance de lui rendre la raison s'évanouissait. Je rentrai à l'hôtel où je passai quelques heures dans l'anxiété sans rien pouvoir décider. J'avais pris North de dîner avec moi. Il arriva à l'heure indiquée. Je racontai mon entrevue avec Féveral. En m'écoutant, il secoua la tête. Il m'a pris pour un des jardiniers d'ici, répondit-il. Il m'a demandé où j'avais acquis mon excellent anglais. Pauvre garçon, sa cervelle déménage. Je dois vous avouer, docteur Halifax, que je suis presque surpris que vous ne fassiez pas... Que je ne fasse pas quoi ? Demandai-je. Que vous n'usiez pas de votre autorité pour amener le pauvre garçon en Angleterre. Il n'est pas en état de rester libre de ses mouvements. La moindre tentative de cette espèce rendrait son cas désespéré, répondis-je. Je suis porté à user des plus grands ménagements, jusqu'à ce que nous connaissions le véritable sort de son infortuné malade. Comptez-vous le suivre cette nuit au casino ? Demanda North. Oui, j'ai promis d'y être, je tiendrai parole. Puis-je vous accompagner ? Certainement, cela me sera agréable. Que devient Mrs. Féveral ? Pauvre âme, il faut que j'aille la voir auparavant, répondis-je. Mon bref entretien avec la pauvre jeune femme fut très pénible. Je lui dis que je comptais accompagner son mari aux salles de jeu et viendrai, avant minuit, lui faire connaître le résultat. Elle me répondit par un pâle sourire. Comme je quittais la pièce, elle me rappela. Vous attendez un télégramme de Hudson, à l'hôtel Métropole ? Demanda-t-elle. Je l'ai prié de me télégraphier ici, dès qu'il aurait quelques nouvelles, répondis-je. Et si sa dépêche arrive pendant que vous êtes au casino ? En ce cas, elle devra attendre mon retour. Voulez-vous, pria-t-elle, me charger de vous la porter s'il en vient une ? J'aimerais mieux que vous ne veniez pas au casino, fis-je. Il n'est guère convenable que vous y alliez seul. Elle ne répondit pas, mais un bizarre éclair de résolution brilla dans ses yeux. L'heure s'avançait. Je me hâtai avec North vers le casino. Nous suivîmes la foule à l'intérieur du vaste bâtiment, obtînmes les cartes d'usage et bientôt nous nous promenâmes lentement à travers l'enfilade des salons où se trouvent les célèbres tables de jeu. 10 heures approchaient et les nombreux visiteurs des différents hôtels se pressaient en foule vers leur plaisir de la soirée. Hommes et femmes étaient en toilette de soirée et le spectacle qui s'offrait à ma vue était des plus brillants et des plus animés. Chacune des longues tables était entourée de joueurs assis sur des chaises placées côte à côte. Autour de ces groupes, sur 3 ou 4 rangs, se tenait la foule des spectateurs, les uns regardant simplement, les autres jouant par-dessus la tête de leurs voisins plus favorisés. D'autres encore attendaient pour prendre les sièges libres autour des tables. Celle de la roulette, au nombre de 8, était toujours entourée. Mais, comme nous traversions les salons, North me dit à l'oreille que Fevral dédaignait la roulette et jouait seulement par forte mise aux 30 et 40. Nous longeâmes la première de ces tables, examinant les physionomies des hommes et des femmes qui l'entouraient. Fevral n'était point parmi eux. Nous regardâmes jouer un instant. Une femme, richement habillée, attirait l'attention par la façon désordonnée avec laquelle elle jetait les pièces de 100 francs sur les différentes divisions du tableau. Elle perdait continuellement, mais jouait toujours. Elle jouait sans aucun calcul, et quelques personnes, qui se tenaient près d'elle, la prièrent de cesser. La terrible passion du jeu, dans sa pire forme, était écrite sur sa figure bouleversée. Je me détournai avec dégoût et suivis North, près de l'autre table de 30 et 40. Là, je trouvai celui que je cherchais. Fevral portait un habit de coupe irréprochable. Sa figure était calme et pâle. Aucun indice d'excitation dans sa tenue ou dans ses manières. Il était assis près d'un des croupiers et, selon toute apparence, jouait avec une extrême prudence. 30 et 40 pièces de 100 francs étaient empilées à sa gauche. Il prenait soigneusement des notes sur une carte placée devant lui et jouait évidemment de façon intelligente. À chaque coup de carte, il misait sur certaines divisions et le surveillant, debout à peu de distance, nous vîmes qu'il gagnait à tout coup. Sa pile d'or augmentait, mais sa manière prudente et attentive ne le quittait point. Peu à peu, ses voisins commencèrent à remarquer son invariable chance. Entendant une observation faite en anglais près de lui, il leva les yeux et rencontra les miens. « Je vous avais dit que je gagnerais cette nuit, » fit-il. « Mais vous êtes venu un peu tôt, inspecteur. C'est votre droit, tout à fait votre droit, mais il faut me donner du temps. » Comme sa chance continuait, il commença à doubler et quadrupler ses mises et ne perdit pas une seule fois. Quelqu'un dit près de moi, « Cet Anglais vient ici depuis 3 nuits. » et n'a pas eu jusqu'à présent un seul moment de chance. Il veut évidemment tout regagner. Ce soir, si seulement il a le bon sens de s'arrêter avant que la chance tourne, il pourra rattraper ses pertes, qui doivent avoir été considérables. « Il joue avec prudence, » répondis-je. « Oui, ce soir, » repartit mon interlocuteur. « Mais la nuit dernière et celle d'avant, son jeu était plus insensé qu'on ne peut dire. » Quelques-uns des spectateurs se retirèrent à ce moment. North et moi avançâmes dans l'espace devenu libre. De la sorte, nous nous trouvions à la gauche de Fevral et pouvions voir par-dessus son épaule. Tout en jouant, il me regarda une ou deux fois. Ma présence ne l'irrita nullement. Il me croyait un détective venu pour le conduire en prison. Son impression était qu'il avait peu de temps pour accomplir la tâche qu'il s'était donnée. Il allait, doublant ses mises, sans paraître perdre son sang-froid, et gagnait toujours. Le temps coulait et l'heure de la fermeture approchait. Fevral était déjà riche. « Arrêtez-le maintenant, si vous pouvez, dit North. Qu'il emporte cet énorme gain et quoi qu'il arrive, sa femme sera tirée d'affaire. Pour l'amour de Dieu, docteur, arrêtez-le avant que la chance tourne. » Avant que j'aie pu répondre, un bruit à ma gauche me fit tourner la tête. Il y eut un léger mouvement, une petite poussée dans la foule, et j'entendis une claire voix de femme disant « Excusez-moi, si je vous demande de me laisser passer. » Ce monsieur, assis là-bas, est mon mari, à qui j'ai quelque chose à dire. Le ton, doux et distingué, fit son effet. Je me tournai promptement et vis avec effroi Mrs. Féveral. À l'encontre des autres femmes présentes, elle était en simple costume du matin. Sa jolie figure paraissait la plus belle à cause du grand deuil qu'elle portait. « Votre télégramme est enfin arrivé, docteur Halifax, » me dit-elle. « J'ai pris la liberté de vous l'apporter. Ne m'emmenez pas. Je vous prie, il faut que je parle à mon mari. » Avant que j'aie pu l'en empêcher, elle était près de lui, les bras jetés autour de son cou, sa joue touchant la sienne. Les salons garnis, l'étonnement des nombreux spectateurs ne lui était rien. Elle ne voyait que son mari. « Venez, mon aimé, » disait-elle. « Partons vite. » Il tressaillit. Lorsqu'elle le toucha, il le regarda avec plus d'impatience que de surprise. « Ne m'interrompez pas, Ingrid, » dit-il. « Je vais venir, mais pour le moment, laissez-moi, je suis occupé. » Il essaya de se rasseoir, mais elle s'attacha à lui, pressant une de ses mains entre les siennes avec une sorte de désespoir. « Non, » fit-elle, « il faut venir maintenant. Vous ne savez pas où vous êtes. »« Je ne sais pas où je suis, » interrompit-il, parlant vite et fort, sa face s'empourprant de fureur. « Si, par le ciel, je le sais. Je suis ici parce que mes mains sont ensanglantées. Je ne cache rien. Tout le monde peut savoir la vérité. Je suis ici, cette nuit, parce que j'ai tué un homme, et je vais payer mon crime. Ce détective, » il me désigna, « m'arrêtera dans un instant. Avant de partir, je vais assurer votre vie. Ne me touchez pas. Je suis un meurtrier. À bas les mains, vous dis-je. » J'écartai la jeune femme de Féveral. Ses yeux étaient fous. Les voisins avaient entendu ce discours, ils commencèrent à s'éloigner avec des regards d'horreur. Les croupiers eux-mêmes levèrent un instant la tête. « Rentrez, Ingrid, » dit son mari, « ne me touchez pas. J'ai fait un marché avec cet homme. » Il me désigna de nouveau. « C'est un détective de Scotland Yard. Il est convenu qu'il ne m'arrêtera que quand j'aurai gagné assez d'argent pour vous tirer du besoin. Je vais doubler mon gain. Il y a du sang sur ma tête. Ne me touchez pas !» Les derniers mots furent criés. Mrs. Féveral devint effroyablement pâle. Féveral de nouveau s'assit à la table. À ce moment, je me rappelais le télégramme que je tenais à la main encore intact. Je rompis le cachet, l'ouvris et lus le contenu. Les lignes suivantes m'enlevèrent presque la respiration de joie et de soulagement. Trouvé hier, le malade du docteur Féveral. C'est un jeune homme du nom de Norris. Il habite Coal Hill, dans le comté de Warwick. Il but la potion du docteur jusqu'à la dernière goutte et déclare qu'elle le remit en parfaite santé. En apprenant ceci, j'allais droit chez le docteur Russell, qui examina la bouteille d'où la strychnine était supposée avoir été extraite. Il la trouva complètement pleine. Si le docteur Féveral prit par erreur de la strychnine dans un flacon, il doit l'y avoir reversé. Il est évident que Norris en a pu absorber dans la potion. « Lisez ceci, » dis-je à Mrs. Féveral, « lisez vite. » « Et dites la vérité à votre mari. Il peut encore être sauvé. » Ses yeux semblèrent voler sur le papier. Elle dut en 2 secondes. « Vous n'avez pas commis de meurtre, » dit-elle à son mari. « Ne continuez pas cet horrible jeu. Ce n'est point nécessaire. Vous n'êtes pas ce que vous pensez. Vous êtes innocent de tout crime. L'homme auquel vous avez administré la potion est sain et sauf. Lisez ceci. Lisez. » Elle lui mit le télégramme sous les yeux. Il lut, bondit sur ses pieds, devint rouge, puis pâle. « Est-ce vrai ? » demanda-t-il, se retournant en fixant sa femme. « Oui, cela est parfaitement vrai. Cette dépêche vient d'arriver. L'homme qui a bu la potion est bien, entièrement bien. Votre remède l'a guéri au lieu de le tuer. Vous le reverrez quand vous reviendrez en Angleterre. » Féveral porta la main à son front. Sa physionomie prit une expression effarée. « Alors, au nom du ciel, que fais-je donc ici ? » exclama-t-il. Il se retourna et regarda avec effroi autour de lui. Les piles d'or qu'il avait gagnées gisaient près de sa main, mais il ne les toucha pas. « Qu'est-ce que je fais ici ? » répétait-il. « Comment y suis-je venu ? On joue de l'argent, je désapprouve cela. Je ne joue jamais. Venez, Ingrid, rentrons. » Il prit le bras de sa femme et la conduisit rapidement hors du casino. Je suivis le couple tandis que North demeurait en arrière pour rassembler le gain de Féveral. Le lendemain, quand je le visitais, Féveral avait retrouvé sa raison. Il me reçut avec un regard de surprise. « Je ne puis comprendre comment je suis venu ici, » dit-il. « Je n'en ai pas le moindre souvenir. En fait, je ne me rappelle de rien. Depuis le soir de notre entretien, Halifax, dans votre maison de Harley Street. « Eh bien, fis-je, vous êtes ici, à présent, et c'est pour vous une chose excellente. Oui, et maintenant que me voici hors d'Angleterre, Je pense y rester quelque temps, quoique je me sente beaucoup mieux. Je ne suis pas encore entièrement apte au travail. Voyagez longtemps, pendant que vous y êtes, répondis-je. Je vis avec soulagement que Févral avait complètement oublié cette terrible période durant laquelle il se croyait coupable du meurtre d'un homme. Son gain, que North avait soigneusement recueilli, compensait les grosses pertes subies pendant les deux premiers soirs de jeu insensés au casino. Sur mon conseil, Mrs. Févral persuada son mari de quitter Monte Carlo l'après-midi. Durant 6 mois, ils visitèrent les différentes parties de l'Europe et quand l'été suivant, il revint à ses occupations, il était complètement dans son état normal. Je le vis peu après son retour, mais il ne fit pas la moindre allusion à l'incident de Monte Carlo. Il ne s'en souviendra vraisemblablement jamais. Ainsi s'achève Dilemme de médecin par Lily Thomas Mead et Clifford Halifax.